Chapitre 12e, le blessé. Le lendemain matin, la montagne était déserte et Carmela, après avoir retrouvé son cheval à l'endroit où elle l'avait laissé la veille, reprenait, non plus en compagnie du capitaine Maresco, mais toute seule, le chemin de San Antonio. Au moment où elle sortait du canyon d'Oripas, elle aperçut un cavalier qui venait en sens opposé. La belle créole, on le sait, ignorait ce qu'était la peur. Toutefois, la présence à cette heure matinale d'un étranger dans le désert lui semblait pour le moins singulière et elle aurait voulu l'éviter, mais la rencontre était inévitable. Le cavalier qui chevauchait ainsi dans la prairie était notre ancienne connaissance, le docteur Cavarox, qui avait quitté l'hacienda de Rio Verde le lendemain des funérailles du duc de Clodion. En voyant Carmela, qui, nous l'avons dit, avait l'apparence d'un jeune garçon de 15 à 16 ans, le docteur lui fit un gracieux salut et ouvrit la bouche pour lui adresser la parole. Mais la créole, qui n'était pas en humeur de causerie, se contenta de lui rendre sa politesse et pressa sa monture qu'il partit au galop. « C'est singulier, » se dit Cavarox en se retournant. « Voilà un jeune garçon qui me fait furieusement l'effet d'être une jeune fille. Quelque intrigue amoureuse sous roche, sans doute. » Il suivit Carmela du regard pendant quelques instants, puis elle disparut dans les sinuosités de la route. Le célèbre praticien, arrivé à l'entrée du canyon d'Oripas, qui avait excité la veille les défiances de Pedro Diaz, s'y engagea résolument. Lorsqu'il en eut atteint l'extrémité, il mit au pas son petit cheval gris pommelé, l'arrêtant presque à chaque instant pour examiner les plantes et les fleurs qu'il rencontrait sur son chemin. Le docteur Cavarox était présentement en quête d'une plante médicinale fort rare et qui devait se trouver, on le lui avait affirmé, dans la région qu'il explorait. On comprend dès lors avec quel soin minutieux et quelle admirable patience il procédait à ses recherches. Pas une touffe d'herbe n'échappait à ses regards. Mais jusqu'à présent, toutes ses investigations avaient été infructueuses. Déjà, il se repentait d'être venu dans cette solitude quand il crut apercevoir l'objet de ses convoitises à l'entrée d'un fourré. Il sauta lestement à bas de cheval, courut au fourré et se baissa pour examiner la plante. C'était en effet celle qu'il cherchait. Au moment où il allait la déraciner afin de la placer dans son herbier, il entendit une plainte faible comme un soupir qui partait d'un fouillis de grandes herbes qui paraissaient avoir été récemment piétinées. Laissant là herbier et plante, il s'élança vers l'endroit d'où la plainte était partie et il recula, épouvanté, en voyant un homme étendu sur le sol comme une masse inerte. Mais se remettant bientôt de son épouvante, il écarta les hautes herbes qui lui cachaient le visage de cet homme et il poussa un cri de surprise en reconnaissant l'intendant de l'hacienda du Rio Verde. Toutefois, et sans perdre un instant, il souleva avec précaution la tête de Pedro Diaz, plaça la main sur son cœur, et reconnut qu'il battait encore. Il tira alors un flacon de son nécessaire de voyage, desserra les dents du pauvre diable, et lui introduisit dans la bouche quelques gouttes de liquide renfermé dans le flacon. L'effet fut rapide. Pedro Diaz entr'ouvrit les yeux, et peu à peu il reprit connaissance. « Vous, docteur ?» murmura-t-il, « par quel hasard ?»« Où avez-vous été blessé ?» lui demanda Cavarox, sans répondre à cette question. « Là, » fit le Texien, en indiquant le côté gauche de sa poitrine. Le docteur prit des ciseaux, tailla de la veste du blessé et mit la plaie à nu. « Gordieu ! Le coup a été porté de main de maître. Heureusement que l'arme a rencontré une côte. »« Vous pensez que j'en échapperai ? Dans 3 ou 4 jours, vous serez sur pied. » « C'est la perte du sang qui a causé votre évanouissement. »« Dieu soit loué, » reprit Pedro. « Il est nécessaire que je vive, afin de m'assurer si un grand crime n'a pas été commis cette nuit, un crime. Ce que j'ai entrevu a duré si peu de temps, et est si étrange que je me demande si ce n'est pas une vision. Plus tard, vous me conterez cela. La chose pressée pour l'instant, c'est de mettre sur votre blessure un appareil de mon invention. Il y a un ruisseau à quelques pas, et les plantes que je vais employer ne manquent pas ici. » Mais avant tout, prenez-moi une seconde gorgée de ce cordial. » Pedro Diaz, après avoir bu, se sentit réconforté et son visage se colora légèrement. Le docteur le quitta alors, et 10 minutes plus tard, il reparut avec une sorte d'emplâtre d'herbe lavée et pilée qu'il appliqua sur la blessure. Le Texien, presque aussitôt, éprouva un notable soulagement. Mais comme sa faiblesse était encore très grande, il ne tarda pas à fermer les yeux et à s'endormir. Lorsqu'il les rouvrit, le soleil était bas sur l'horizon. Cavarox, assis à côté de lui, le veillait. « Comment vous trouvez-vous, mon ami ? » lui demanda-t-il. « Mieux. »« Beaucoup mieux, » dit le blessé. « Et je crois même que l'appétit m'est venu en dormant. « Bon signe, » reprit le docteur, « j'ai là quelques provisions, mais je vous mettrai la ration congrue pour éviter que la fièvre ne se déclare. » Le repos de Pedro fut des plus frugales, mais en revanche, Cavarrux but et mangea pour deux. « Maintenant que vous avez pris des forces, » dit-il au Texien, « apprenez-moi ce qui vous est arrivé. » L'intendant raconta succinctement les événements de la veille, l'apparition et la disparition des deux cavaliers mystérieux, ses appréhensions et sa ronde de nuit qui avait été brusquement interrompue par une tentative d'assassinat. « Avez-vous reconnu votre assassin ?» demanda le jeune savant. « Je crois que c'est un peau rouge. »« Vous ne vous trompez pas. Votre blessure a été faite par un couteau Comanche. Mais dans quelles circonstances avez-vous été attaqué ?» J'explorais la prairie afin de m'assurer que nul danger ne menaçait l'escorte du duc Jean. Quand, arrivé à l'endroit où nous sommes, une sorte de géant, sorti de je ne sais où, s'élança à l'improviste sur moi et m'apporta un si rude coup de couteau dans la poitrine que je tombai comme foudroyé. Mais cette vision dont vous me parliez tantôt, eh bien, au moment où je fus frappé, j'avais les yeux tournés du côté de notre campement. Tout à coup j'aperçus, montant le long du rocher, le corps d'un homme immobile comme s'il était mort. Ce corps montait tout seul. Pur effet de votre imagination, mon brave, dit Cavarrox avec un sourire d'incrédulité. Nullement, docteur. Ce corps inerte qui s'élevait dans les airs, je le vois encore, et ce n'est pas tout. Comme j'avais tout à la fois mes yeux fixés sur la montagne et sur notre campement installé en bas, il m'a semblé, à la lueur mourante des feux que nous avions allumés, que la place occupée peu d'instants auparavant par le duc de Clodion était vide. Tout ceci en effet est très étrange, dit le docteur Cavarrox, devenu pensif. Il faudra que nous visitions l'emplacement du camp, reprit Pedro Diaz. Nous songerons à cela demain, si vous êtes en état de supporter la marche, comme je l'espère. En attendant, je vous enveloppe dans votre couverture, je m'envelopperai dans la mienne, et nous dormirons côte à côte. Le lendemain, lorsque le jeune savant s'éveilla, il trouva Pedro Diaz debout. L'emplâtre appliqué sur sa blessure avait fait merveille. La plaie était presque fermée. « Allons au campement, » dit le Texien. « Diable, mon cher, vous ne doutez de rien, » répondit en riant le docteur. « Mais vous n'êtes pas encore assez solide sur vos jambes pour vous lancer de la sorte. Montez sur mon cheval, il marche à l'amble et il est fort doux. » Pedro accepta sans se faire prier. L'emplacement du campement n'offrait rien de suspect. On n'y voyait aucune trace de lutte récente. « C'est singulier, » dit le Texien. « Rien, absolument rien. » Il étudia alors la montagne à pic. Quelques arbustes et diverses plantes avaient poussé dans les fissures du roc. Tout à coup, une exclamation lui échappa. « Qu'y a-t-il ? » demanda Cavarrox. « Voyez, » répondit Pedro en indiquant une branche d'arbuste cassée. « Que concluez-vous de là ? Que ma vision était réelle et qu'un homme a été transporté de bas en haut. Regardez plutôt toutes ces plantes arrachées. En effet, ce sont là d'irrécusables indices, dit le célèbre praticien qui réfléchissait. Mais pour avoir la clé de ce mystère, il faudrait que nous puissions monter sur le sommet de la montagne, et cela me semble impossible. Si dans l'avant-dernière nuit des hommes étaient là-haut, repartit le Texien, c'est qu'il y a un chemin, assurément. Et pour le trouver, il nous suffira de faire le tour de ce rocher. « Je m'en charge, » répondit le docteur, « et si je trouve ce chemin, je viendrai vous avertir. »« C'est cela, » dit le blessé. « Allez, je vous attendrai ici. » Cependant, Cavarrox regardait à droite et à gauche, incertain de la direction qu'il prendrait pour commencer son voyage circulaire. Pedro Diaz comprit son embarras. « Si vous voulez m'en croire, vous traverserez le canyon de Doripas et vous suivrez la gauche de la montagne. C'est là que j'ai vu disparaître les deux cavaliers mystérieux. » Qui, si mes pressentiments ne me trompent pas, ont dû tremper, s'il y a eu crime, dans celui d'avant-hier soir. « Vous avez raison, » répondit le docteur en enfourchant son petit cheval gris. Une heure après, il était de retour. « J'ai trouvé !» s'écria-t-il triomphalement du plus loin qu'il aperçut Pedro. « Racontez-moi ça !» dit le Texien, tout bouillant d'impatience. « J'ai même fait une découverte précieuse !» poursuivit l'illustre savant. « Mais procédons par ordre. » Chaque chose arrivera en son temps. J'ai donc traversé le ravin de Ripas, ainsi que vous me l'aviez conseillé, et arrivé à son extrémité, j'ai incliné à gauche. Là, j'ai trouvé un sentier, et dans ce sentier, la trace du passage des deux cavaliers. Pedro Diaz était rayonnant, il avait deviné juste. « Ce n'est pas tout, » continua Cavarrox. Aux empreintes des pieds de leurs chevaux se mêlaient des empreintes de mocassins. Des peaux rouges, ont évidemment suivi la même direction. Ensuite, dit le blessé, dont l'attention redoublait. Ces empreintes se sont brusquement arrêtées devant une déchirure de la montagne. Avez-vous pénétré dans cette déchirure? Non. Lorsque j'ai eu la certitude qu'en suivant ce chemin, on pouvait facilement arriver au sommet du rocher, je suis revenu sur mes pas. Mais nous ferons cette exploration ensemble après déjeuner. Le déjeuner vous donnera des forces. Déjeune donc, docteur, car il me tarde d'avoir le dernier mot de tout ceci, répondit Pedro Diaz.